Le jeudi 2 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le président du syndicat des chauffeurs du RTC, Ghislain Dolbecq, a fait le point sur la menace de déclencher une grève à partir du lundi 13 mars en cas d'arrêt de travail des services essentiels similaires à ce qui avait été donné en 2004 lors de la dernière grève s'appliquerait. À l'époque, la plupart des parcours circulaient en semaine aux heures de pointe. Le service était réduit, sinon inexistant, les soirs et la fin de semaine. Si les questions des salaires et du régime de retraite achoppent, c'est davantage l'organisation du travail qui pose problème, selon M. Dolbecq. Ce dernier affirme que des demandes de la partie patronale nuiraient à la conciliation famille-travail. Quant aux menaces du maire Labeaume de dévoiler les conditions de travail des chauffeurs, le président du syndicat affirme qu'il n'a rien à cacher. On n'a pas à avoir honte de nos conditions de travail. Nos conditions de travail se sont négociées au fil des années. Il y a des bonnes conditions de travail, mais il y a des exigences qui sont quand même assez particulières dans notre travail. Notre but, c'est pas de couper le service aux usagers. Au contraire, on comprend les problématiques que les usagers vont vivre s'il arrive quelque chose. Notre but, nous, c'est de régler les points en litige. Puis on veut pas toucher la population, mais dommage collatéraux oblige. Même dans nos demandes, on a des choses qui sont pour la population, des horaires de travail qui vont être moins serrés, des routes qui vont être moins serrées. C'est pour la population qu'on demande ça. Les horaires sont rendus très serrés, donc ça, vous voyez tous les impacts que ça peut avoir sur la clientèle. On a des demandes qui sont là pour la clientèle également. Mentionnons que les négociations se poursuivent en dépit de cet avis de grève. Le syndicat, comme l'employeur, affirme être de bonne foi. Ils seront de retour à la table des négociations dès cet après-midi. Le maire de Québec, Régis Labeaume, souhaite rendre plus conviviales les rues de Québec. Selon le Journal de Québec, il prendra l'engagement de revoir dans un prochain mandat 25 % des rues de la ville pour faire plus de place aux arbres, aux cyclistes et aux transports en commun, sur le modèle de ce qui a été proposé sur la route de l'Église. Des annonces plus précises devraient suivre au cours des prochains mois en prévision de l'élection municipale de novembre. Et c'est officiel, le numéro 2 de l'Université Laval, Éric Beauce, se lance dans la course au rectorat pour succéder à Denis Brière. Il est actuellement vice-recteur exécutif. Il a fait part ce matin de ses intentions sur les ondes de la radio universitaire. Si son programme reste à définir, il a tout de même affirmé vouloir renforcer le positionnement à l'international de l'université et rendre l'institution plus transparente. Rappelons que les prétendants ont jusqu'au 16 mars pour se manifester et c'est le 26 avril que l'on connaîtra l'identité du nouveau recteur de l'Université Laval. Enfin, la députée de Québec solidaire, Manon Massé, a fait part de son soulagement après avoir appris que sa circonscription ne serait pas supprimée. Après avoir reçu les commentaires du public, la commission de représentation électorale a choisi de ne pas fusionner la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques avec une circonscription voisine. Les électeurs de Mme Massé s'étaient mobilisés en masse pour renverser la décision. Mentionnons que la région de la Capitale-Nationale est épargnée par les changements à la carte électorale. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est de la neige et de la poudrerie par endroit. Aujourd'hui, à Québec, en tout, 5 à 10 cm de neige vont tomber. Les vents sont présents, 40 km/h avec rafale à 60. La température est à la baisse pour atteindre moins 8 cet après-midi. Ça se dégage au cours de la nuit. Demain, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de moins 10 degrés. Du soleil également samedi avec moins 14 degrés. Ça se réchauffe un petit peu dimanche. Il fera moins 5. Présentement, à Québec, on a moins 6 degrés. C'est une faible neige qui tombe.